papier. Elle veut lire dans mon âme, veut la déshabiller. Mes sentiments sont sous-aînés. C'est fou ce qu'elle me rend faible sans jamais forcer. Oh. Toujours dans ma tête comme une mélodie. Je voulais que les poches soient pleines, que le cœur reste vide. Je fais des fautes quand je dis je t'aime car beaucoup d'ennemis. Si t'es béni ma chérie, sache que l'on est maudit. Peut-être qu'on doit se dire tant pis. Ma belle, je te dirai bye bye, bye bye, bye bye. Avant que ça devienne toxique et qu'on s'écrase comme Zéna, Zéna, Zéna. Laisse les parler, c'est que des commentaires. Mon paradis au bout d'enfer. J'préfère rester sous à tes prières. Toi et moi c'est die die. J'ai ma salle mais j'voulais bien faire. J'peux réparer bye bye. J'ai ma salle mais j'voulais bien faire. Toi et moi c'est die die. Et maléfique avec un cœur. J'peux plus réparer bye bye. Tu restes ma femme même en temps de guerre. J'ai voulu conduire dans son cœur. J'ai plus de mes pères. Et dans ses yeux je me perds. Et dans ses yeux je me perds. C'est illicite, prison ferme, tu me rendras visite. Perquise, grosse cas le saisie. Pourtant tout ça on me l'avait dit. Je bois trop, je pense beaucoup, je suis dans le fer. Je lui mets son cou, je dois m'enfuir. Bouquet de salou si on flirte. Petite tisse mais encurlée. Elle a trise mais le contouring devant son cœur comme un derby. Je t'avais déjà dit interdit. Extension fossile, viens pas tes cousines. Elle veut que le jaune est vert.